Pourquoi tu te sens visé? Qu'est-ce que tu caches? Mais enfin, je ne cache rien. Mon œil, oui. Quand t'es au volant et qu'un black rond comme un boulon te fait une queue de poisson en faisant brailler son rap à la con, qu'est-ce que tu te dis? Espèce de sale africano-américain, hein? Non. Tu te dis sale nègre. Si t'avais des couilles, tu le dirais. Ouais. J'écris des rimes pour Amadou alors je connaissais pas. Mais tu sais qu'il est devenu populaire depuis qu'il n'est plus là. Le monde entier le connaît. Et son vivant s'il avait pas de monnaie. Aujourd'hui il est célèbre comme Dominique Voynet. Le monde est injuste et rempli d'illusions. On use ton neurone afin d'atteindre la perfection. 40 balles dans le corps. J'ose imaginer la souffrance qu'il a dû subir avant de s'envoler périr. Mon corps tremble comme un bœuf qu'on vient d'abattre. Même un animal ne mériterait une mort pareille. Je sais pas quel degré de haine pousse à réagir ainsi. Mais à cette allure on n'a qu'à attendre l'avenue du messie. On parle pas de bavure mais d'assassinat prémédité. J'ose même pas le dire mais ses fils fuient à quitter. On se croyait à l'époque de Kunta Kinte. De par leur couleur de peau, de tous leurs doigts ils étaient amputés. Par sa mort ils nous ont insultés. J'entends autour de moi des salopards journalistes chuchoter. C'était qu'un nègre, un de moins dans la paire. Dans tous ces journaux en France, la nouvelle, elle fut bien brève. Mais si on renversait les rôles et que c'était un jeune blanc, est-ce qu'ils auraient acquitté ces démons de policiers de blanc? Je suis pas raciste, mais ce mal porte la magie kakaka. Donc j'suis obligé de balancer ma merde en pleine face. Ce cas n'est pas un cas isolé, donc j'suis pas désolé. En plus de cela, t'aimerais bien que je me mette à m'immoler. Ils peuvent en toute impunité violer, tuer, suriner, cogner sans crainte de chuter. Nos vies n'ont aucune valeur à leurs yeux. Regarde Amadou Diallo, acquitté les siens pour les cieux.